Oh Belgique, oh pop culture chérie, à toi nos voix, à toi nos choix. Pour fêter le fête national, El Popcast se met au noir, jaune, rouge. Et vous propose petites de films, chérie, et musique 100% belge. Alors, serre-toi une pâte, va chercher de frites et écoute ça. Non peut-être. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour. Bon, on va pas faire l'accent belge tout au long du podcast, mais salut Daniel. Non. Salut Léandre, ça va? Ben oui, ça va, voilà. C'était le 21 juillet, tu as passé une bonne fête nationale. Oh, magnifique. Magnifique. C'est j'ai incroyable. Fait des pâtes, j'ai fait de la sauce italienne. Et toi, t'as fait quoi? Très belge. Alors moi, j'ai construit une cabane. T'as construit une cabane? Voilà. Ah. Bonne fête nationale à toutes et à tous, évidemment. Mais bien sûr. Et donc, on continue sur notre lancée de podcast spécial Nation. Et donc, après la France, on passe à la Belgique. Bah oui, parce que la Belgique, mère patrie. Évidemment, évidemment, évidemment. Et donc, le même concept, hein, on part sur une sélection de films, de séries et de musique 100% belge, comme tu l'as très bien dit, Dalil. Bien sûr. On a du lourd en Belgique. Ça a été quand même difficile pour certains. De faire des choix. De faire des choix, ouais. Ça a été difficile. Ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on parle vraiment de pop culture ou plutôt de culture, tu vois, en Belgique? J'ai l'impression qu'il manque ce petit aspect pop. On parle de graisse, pour la graisse des frites. Ouais, un peu, tu vois. On est... De toute façon, la Belgique, ce qui caractérise vraiment la Belgique, c'est bah, l'autodérision directement. Moi, c'est je pense à ça tout de suite. Un peu le surréalisme aussi. Ah, ouais, tout à fait. C'est... Je trouve que le film que j'ai choisi, c'est vraiment un film qui met en aspect tout ce qu'il y a de bon chez le Belge. Ouh, suspense, suspense. Et donc, il faudra rester, évidemment, pour entendre la sélection de Dalil. Là, on sent les sueurs perlent sur les gens. Les gens veulent savoir. Bien sûr. Bah, on va commencer avec le cinéma belge, une fois. Bah, bien sûr. Dis, on t'a qu'à m'appuyer, moi, j'ai qu'à bouche fermée, toi. T'as pas de quelque chose, hein. En Belgique, quand on dit le cinéma belge, moi, je pense directement, évidemment, aux Frères d'Ardenne. Ah oh ouais, non, mais laisse tomber. Dont on ne parlera pas dans ce podcast. Malheureusement, non, on ne parlera pas des Frères d'Ardenne. C'est pas vraiment notre cheval de bataille. Non, non, non, non, mais les Frères d'Ardenne, j'ai pas vraiment d'atome crochu avec eux, je suis pas vraiment fan de leur cinéma. Après, je veux dire, il est réputé. Donc c'est ça, que... c'est des grands messieurs, ça, tu vois, il faut leur laisser, mais c'est clair que moi, c'est un cinéma auquel j'accroche pas du tout. Ça, ouais, moi non plus. Mais ils ont inspiré les plus grands, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Le gamin au vélo, on s'en souvient. Mais la technique de la caméra à l'épaule, tu vois, c'est les petits frangins, là, c'est qui a été repris partout. Bon, voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre truc, toi, qui te vient à l'esprit quand on parle de cinéma belge? En Belgique, il y a quand même pas mal de festivals Qui mettent en avant justement ce cinéma. C'est vrai, le cinéma de genre, le cinéma un peu différent, donc, décalé. À Bruxelles, on a le BIF qui montre tout ce qui est film fantastique. Ici, à Mons, par exemple, il y a aussi le FIFA. Ouais. El Famoso FIFA. Festival de films d'amour. Après, évidemment, on est obligé de citer quand même le film culte par excellence en Belgique, hein, Dikkenek. Dikkenek. Bah ouais. Bah ouais. Mais tu sais que c'est vraiment bizarre ce film. Hein. Et je sais pas si toi aussi tu le vis comme ça, mais Dikkenek, je l'ai pas. Moi, il m'a pas fait rire. Ah, moi aussi. Ah, moi. Mais il m'a pas fait rire. Hein. Et je me suis dit, mais putain, c'est lourd. Et c'est après, avec les potes, quand tu refais les répliques, qui devient culte, ouais. Tu vois. Mais ouais, tu vois, genre, c'est vrai que j'en parlais il y a pas longtemps avec ma copine, parce que, genre, ses parents, ils ont jamais vu le film, mais à chaque fois qu'elle fait les répliques avec son frère, ils rigolent à mort, tu vois, alors qu'ils ont jamais vu le film, quoi, mais tu ouais. vois. Mais c'est tellement rentré dans la culture belge que tout le monde connaît, quoi. Tout le monde fait des références. Mais François Damiens, moi, j'en parlerai aussi un peu. Évidemment, oui, un grand monsieur du cinéma. C'est le belge. Oui, oui, bah oui, bah ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il réussit aussi bien. Mais ce qui est fort aussi avec François Damiens, on en reparlera peut-être, c'est qu'il a réussi quand même maintenant, surtout au cinéma français, à se détacher de cette image du Belge qui lui collait fort à la peau, évidemment. C'est clair. Après, bah, on peut en citer d'autres. Hein. Bouly Lanner, c'est quand même un grand monsieur. Moi, j'adore tout ce qu'il fait. Ouais. Poulvourde, évidemment. On va en parler. Bah, oui. On va en parler. Bien donc, sûr. Voilà. Cécile de France, hein, malgré son nom de famille. Dégage. Oh, allez, arrête. Ah non, j'aime pas. Oh là là là là, Dali. Ah non, je suis désolé, mais elle m'a... En fait, Cécile de France, je l'ai aimée chez Aja, donc dans Haute Tension d'Alexandre Aja. Oui, oui, oui. Qui oui. est ouf ici. Mais oui, tu l'as d'ailleurs... que je l'ai recommandé. Recommandé sur notre TikTok. TikTok. N'hésitez pas à nous follow sur le podcast. Mais là, par exemple, le gamin en vélo, je me suis dit... Mais oui, mais ça, c'est parce que c'est les frères Dardenne, tu vois. Ah ouais, tu... Ah ouais, direct. Mais non, mais c'est pas... Mais non, c'est pour ça que t'as pas apprécié, parce que c'était un cinéma... Non, parce que j'ai trouvé qu'elle jouait vraiment mal. Vraiment mal. Ça se respecte. Moi, je trouve que c'est une grande actrice, Cécile. Allez. Bien sûr. Ah, El Famoso. El Famoso, le seul, unique. Le Aware. JCVD, que vous aussi, je pense, vous devez avoir blindé de pub avec JCVD, le 777 Casino. T'as jamais vu ça, ah, non, sur YouTube? Non. Finaise, moi, ça arrête pas de popper. Adblock. Ah, ok. Mais ouais, le grand Jean-Claude Van Damme a une énorme carrière. On se fout souvent de sa gueule, mais il faut quand même pas oublier qu'il a une putain de carrière, quoi. Bah oui, lui, il s'en branle, gros, qu'on se fout de sa gueule. Ouais. Donc oui, il joue de son image énormément. Mm-hmm. Il y a eu le film aussi, hein, JCVD. Le film JCVD, mais il dépeint plus... Le JCVD plus sérieux. Oui, tu vois. Il est pas dans la. Dans le aware. Dans le awareness. Ouais, ça c'est sûr. De lui. Mais par contre, la série JCVD qu'on peut regarder sur Amazon, alors là, en plein dedans. Jackpot. Alors là, il y a rien à dire. Yolande Moreau, moi j'aime beaucoup. Elle reste toujours dans le même rôle. Tu vas en parler, c'est vrai. Mais il faut aussi parler des petits jeunes qui arrivent, hein. Adil El Arbi et Bilal Fallah. Alors, leurs noms ne vous sont peut-être pas familiers, mais pourtant, ils commencent à peser à fond dans le monde. C'est les Bad Boys. C'est les réalisateurs de Bad Boys for Life, donc le dernier Bad Boys avec Will Smith. C'est quand même pas n'importe quoi. Gangsta aussi. Hein, ouais, qui est disponible. Gangsta, c'est le titre anglais. Ouais, anglais. Le titre original, c'est Patser. Qui est disponible sur Netflix, si vous voulez regarder. Un film de gangster assez décalé, on va dire. Chez nos copains flamands. J'ai vraiment bien accroché, je trouve. C'est aussi les réalisateurs de Black, hein, le film qui a fait sensation quand même il y a quelques années de ça. Voilà, c'est la nouvelle vague qui arrive, hein, ouais. Tout doucement. Et puis au niveau des acteurs, t'as des acteurs, toi ? Des nouveaux acteurs qui arrivent, c'est là que... Skounars. Mais oui, Skounars, il est déjà bien là, quoi. Il est déjà bien établi. Tu trouves pas ? Allez. Pas nécessairement. Il est là, ici, en Belgique. Mais il n'est pas là à l'international encore fort, tu vois. Mais heureusement que tu parles de Mathias Skounars, parce qu'il a énormément dicté mon choix de mon film que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Bullhead. Je voulais en fait parler de Mathias Skounars, parce que pour moi, c'est le meilleur acteur belge actuellement. Il y a peut-être débat avec Poulvorde, mais c'est pas du tout dans le même registre. Non, c'est pas le même registre. Hein. Là, lui, il fait vraiment tout. Ouais. Il fait vraiment tout. Bah, Poulvorde, c'est quand même se diversifier. Hein. Il faut quand même lui laisser oui. ça. Mais de toute façon, on parlera de Poulvorde avec toi, je pense. Oui. Donc voilà. Donc, moi, j'ai voulu parler de Mathias. Et donc, évidemment, pour parler de Mathias, il fallait parler de Bullhead, qui est le film qu'il a révélé au grand public. C'est son chef-d'œuvre, tout simplement. Donc, c'est écrit et réalisé par Michael R. Roskam, qui n'a pas fait grand-chose après. Il a fait Quand vient la nuit avec Tom Hardy et Mathias Skounars. Et Le Fidèle avec, encore une fois, Mathias Skounars. Donc, c'est vraiment une collaboration qui dure. Sorti en 2011, le film nous plonge dans un monde de la mafia des hormones en Flandre. Alors, quand déjà tu lis ça, t'es pas trop emballé. Enfin, c'est pas sexy. Surtout, tu vois les grosses vaches qui arrivent toutes juice. C'est ça. D'hormones, là, t'es... Sauf si t'es un peu zoophile. Ouais, voilà. De quoi est-ce que ça va parler ? Et après, en fait... Quand tu regardes le film, l'histoire avance un peu. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le passé du personnage principal, joué par Mathias Skounars, évidemment, qui vient se mêler à l'intrigue. Et là, ça commence à être très, très sérieux. Et il y a même des moments où t'es pas très bien. Tu regardes vraiment ce film pour regarder Mathias, parce que c'est tout simplement son chef-d'œuvre. Il est juste oufissime, déjà physiquement, parce que le mec, il a quand même pris 30 kilos pour faire le rôle. Il joue le rôle d'un mec qui shoot aux hormones, qui donne à ses vaches. Jackie Van Marsenil, un fermier limbourgeois solitaire. Et alors, on va pas trop dévoiler l'histoire. Il joue vraiment le rôle d'un personnage extrêmement puissant et faible à la fois. C'est ça qui est très subtil dans le personnage. Et qui va tenter à tout prix de devenir ce qu'il ne pourra jamais être. C'est très vague dans mon explication, mais c'est voulu aussi parce que toute l'intrigue est basée là-dessus. Oui, si tu commences à révéler quelque chose, tu... Oui, si tu dévoiles le gros truc, ça gâche tout. C'est vraiment parce le genre de film où tu dois y aller, mais tu dois rien savoir. Parlons un peu de Mathias, hein. Acteur et graffeur. Oui, je sais. De 42 ans, envers soi, fils du grand Julien Skounars. Julien Skounars, il jouait dans Dance. Je ne sais pas si c'est un film que tu as vu, un grand film du cinéma belge. Et pourtant, à Saint-Stan, donc l'école où on a fait nos études ensemble avec Dalil, moi, on l'a passé. Sérieux? Non. Et mon frère, qui a fait aussi ses études à Saint-Stan, ils l'ont passé trois fois pendant sa scolarité. T'imagines le truc? Peut-être, en fait, que je l'ai vu, mais je me souviens pas. Ouais, voilà, c'est ça. Genre de... Je suis sûr et certain, c'est le genre de film où... Ouais, c'est sûr. Et donc, son père, Julien Schoenaert, jouait dedans, jouait le rôle principal. Et Mathias jouait aussi dedans. Il débute au cinéma avec son papa. À quel âge? Oh, il était très jeune. Hein. Il était jeune? Ouais, il était très jeune. Et donc, ben voilà, comme je l'ai dit, sa carrière, elle démarre vraiment grâce à Bullhead. Et puis, il va enchaîner avec De Rouille et d'Os, où il est incroyable aussi dedans. Blood Ties de Guillaume Canet, Les Jardins du Roi d'Alan Rickman, Red Sparrow aussi avec Mademoiselle Jennifer Lawrence, Une Vie Cachée et The Last Planet qui arrive bientôt de Terrence Malick. Et enfin, il a fait un film de Terrence Malick. Deux films. Ouais. The Last Planet arrive seulement maintenant. Et alors The Old Guard hein, qui est sur Netflix maintenant. Je suppose que si vous avez Netflix, on vous l'a proposé vu le martelage médiatique qu'il y a là-dessus. Ouais. Bon, on va pas citer tous ces films, hein, mais il commence à avoir une filmographie assez intéressante. Il joue dans des films avec quand même des gros réals. Donc, ce qui est vraiment génial, c'est justement ça, c'est qu'il a, vraiment un panel mm-hmm. de personnages où il joue. Parce que quand tu prends Bullhead, Rouillé d'Os et The Old Guard, c'est complètement différent. Ouais. Il manque plus que la comédie et on est parti. Ouais, comédie et rom-com et on est parti. Moi, j'aimerais bien le revoir, évidemment, dans un gros film, dans un gros rôle belge. En même temps, le mec parle français, flamand et anglais à la perfection, donc il aurait tort de pas... Et c'est ça qui est bien aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il joue pas le rôle du belge ou du français dans ses films étrangers, tu vois. Pas du tout. Là, dans The Old Guard, il incarne un italien. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec, il a pas justement cette image du Frenchy qui lui colle à la peau comme un Vincent Cassel a pu avoir. Bullhead, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez vraiment un film fort et poignant. Je vous le conseille. Il est un peu compliqué à trouver, mais si vous y arrivez... faites-vous plaisir. Toi, tu parlais justement du fait de revenir à ses sources, à ses racines. Eh bien, le réalisateur que j'ai choisi, Jaco van der Maal, a fait ça pour le film Le Tout Nouveau Testament. Oui. Et c'est le film que je vais parler aujourd'hui. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Donc, juste avant, Jaco était avec son scénariste, Thomas Gunzik, pour réaliser et écrire Mr. Nobody, donc grosse production américaine. Ouais, et il s'est dit, moi, maintenant, j'ai envie de montrer là où je vis, là où je mange, je vais montrer Bruxelles. Et donc, avec Thomas, ils se sont posés et il a dit, on ferait pas un film sur Bruxelles. Et la conversation était ouf. Et ça résume bien le synopsis. Et si Dieu... il existait réellement et il habitait à Bruxelles. À Bruxelles. Et si, en plus de ça, il avait une fille cachée. Et si sa fille cachée comprend que Dieu, c'est un trou du cul, et du coup, elle commence à péter un câble, elle fait son émancipation. Et si elle décidait d'aller chercher 18 apôtres et... Ouais, 6. 18. Mais non, pour les rajouter. Pourquoi 18 ? Parce que 18, c'est le nombre de joueurs qu'il y a dans une équipe de baseball. Oui, mais il y a déjà 12 apôtres, donc elle va en chercher 6 pour compléter l'équipe. Elle va en chercher 6. Mais bref. Mais oui, mais complètement fou. C'est complètement surréaliste. C'est un projet qui ne passerait pas aux États-Unis, par exemple. Mais pas du tout. Et le film est complètement surréaliste. Il est, bien sûr, anticlérical, etc. Mm-hmm. Mais on s'en fout, en fait. Qui se foutent de la gueule comme ça. Enfin, moi, je trouve que... Et beaucoup de gens se sont arrêtés là-dessus, ici. Alors que pourtant, c'est pas l'essence du film, quoi. Non, et même Jaco le dit, une personne qui n'a pas de connaissances religieuses peut très bien comprendre le film, puisque lui-même fait des références aux contes, etc. Ok, tu vois, je comprends. Et je pense que c'est comme ça que tu dois prendre le film. C'est vraiment donc, un père qui est complètement abusif. Mm-hmm. La fille, elle en a marre. Et elle décide, donc, puisque son père, c'est Dieu, elle décide de révéler à tout le monde la date de mort de chaque personne dans le monde en envoyant un SMS. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est quand tu sais à quelle date tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas faire du restant de ta vie. Tu vois. Et là, toute l'utilité de Dieu perd son sens, vu que les gens se tiennent à carreau justement parce qu'ils ne savent pas quand ils vont mourir. Mmh. Mais au-delà de ça, moi, j'ai même pas vu l'aspect vraiment religieux du truc. C'est vraiment un beau film, en fait, au final. C'est magnifique. Franchement, c'est complètement décalé. C'est L'humour belge. Oui, c'est de l'humour belge, mais c'est même la beauté belge un peu dans, ouais, dans quelques scènes et dans un peu la, le surréalisme des choses qui se passent dans ce film. Mais il y a vraiment de la beauté dans le film, quoi. Alors que je m'attendais à voir une comédie bien grasse sur la religion, tu vois. On n'est pas du tout là-dedans. Non, mais il a, enfin, Jaco, quand même, il a ouais, bah oui, plume, oui, tu oui. vois. Et surtout quand il se met avec Thomas mm-hmm. Gunzik. Bah, c'est un duo gagnant, ça, c'est sûr. Ah ouais, ça, c'est clair. Hein, ouais. C'est le jackpot. C'est un film que tu vas kiffer. Et ce qui est vraiment ouf, et c'est ça que tu me disais tout à l'heure, avec, enfin, je rebondis là-dessus, mm-hmm. avec le fait qu'aux États-Unis, jamais ça aurait pris, ouais. eh ben, sache que sur Allociné, la cote spectateur est à 2,5 okay. sur 5. Et alors, qu'aux États- sur, alors que sur IMDB, ouais. donc vraiment le public à l'international, il fait 7,1 sur 10. Ah ouais. Bah après, tu vois, c'est ce que je me disais en regardant le film, et je me dis... Il y a quand même eu Bruce Tout-Puissant. On n'est pas dans le même registre, mais on est dans la, enfin, dans la même idée du, d'un dieu qui serait humain, quoi, tu vois, mm-hmm. et qui serait sur Terre à l'heure actuelle. Mm-hmm. Comme, Après, Dieu était noir. Oui, en plus, t'imagines. Ouh, Morgan. Ouais, bon, c'était Morgan. Surtout. C'était Morgan Freeman, surtout. Mais donc là, oui, le tout Nouveau Testament, il faut quand même dire le casting qu'il y a derrière. Oui. Hein. Il y a vraiment la crème des acteurs belges, francophones, ouais. Plus précisément. Il y a François Damiens. Il y a qui va jouer le rôle d'un assassin à mourir de rire. mais même là, il fait plus le belge. Non, tu vois bon, ouais. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'était parce que là, c'était le commencement, tu vois, de François Damiens qui s'émancipe de son rôle de belge, et je trouve que commencer par des rôles comme ça, c'était vraiment une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est toujours dans son registre, mais pas vraiment, ouais, je comprends. Tu vois. Mm-hmm. Et il a apporté plus de douceur dans son personnage que d'habitude. Il a apporté plus de poésie. Et puis, il y a, tu en parlais tout à l'heure, Yolande Moreau. Incroyable. Incroyable. Comme, qui joue la rôle de la femme de Dieu. Et, qui fait du Yolande. Qui fait du Yolande, ouais, c'est vraiment ça. En même temps, elle a la gueule pour. Hein. Ah, mais vraiment. Et donc, elle est complètement soumise à ce patriarche qui est Dieu. On retrouve aussi Serge Larivière et on retrouve, bon, là, on passe de l'autre côté de la frontière, Catherine Deneuve. C'est que ça. Alors, ce rôle de Catherine Deneuve. C'est à voir. Ouais, je veux vraiment pas spoiler. Non. Si vous l'avez pas encore vu, c'est délicieux. Je ne pensais pas que Catherine se mettrait dans ce genre de rôle, ouais, tu vois. Ouais. Puis Benoît, qui fait du Benoît. Là, franchement, il est resté dans son registre mm-hmm. de nerveux, mais c'est toujours aussi bon. Ouais. Enfin, moi, ouais, je suis désolé, je m'en lasse pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il prend pas le devant de la. Enfin, il prend pas le film à lui tout seul, quoi. Tu vois, il est dans son plat, tu vois. C'est Dieu, mais c'est pas lui le personnage principal, ouais, quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est parce que la petite Ea a vraiment bien été dirigée mm-hmm. et elle assure vraiment pour son rôle. Ouais, c'est clair. Je pense qu'elle avait une dizaine d'années. Bah, elle a le talent, parce que fallait le faire quand même. Et alors, ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que la méthode de travail qu'a adoptée Jaco, c'est à la Fellini. En gros, Fellini s'amusait à réécrire tous ses rêves pour faire son scénario de film, tu vois. Et ben Jaco, il a décidé de faire pareil. Il a rêvé d'un dieu à Bruxelles. Et donc, il a rêvé d'un dieu à Bruxelles. Eh ben voilà. Donc voilà. Je vous le conseille. Je vous le conseille chaudement. Ouais. Il est sur Amazon Prime, si ça vous intéresse. Tout Nouveau Testament. Il est sur Amazon Prime, en effet. C'est vraiment un petit instant bonheur, quoi. Une petite madeleine à manger, à déguster. Merci Dalil. De rien. On va passer donc aux séries. Et donc, comme chez nos amis français, on est un peu en retard d'une guerre sur le terrain des séries. Oh, mais là, c'est plus d'une guerre, gros. Ouais, là, c'est quand même très, là, très grave. Là, mais, c'est la sécheresse. Mais ça commence à s'activer. Encore une fois, en partie grâce à Netflix, on en parlera. Mm-hmm. Mais aussi et surtout grâce à la VRT et la RTBF, qui, je trouve, qu'ils font quand même un chouette boulot. Ouais. De production et de réflexion, d'appel à projet aussi. Mmh. Ils ont vraiment lancé une grosse vague d'appels à projet pour créer des petits trucs assez sympathiques. Mais bon, moi, je vais quand même lâcher un sale bémol. Hein. Tu vas... Ok. Bon, on y viendra. Mais donc, ils ont quand même produit des séries assez intéressantes. Hein. Unité 42, La Trêve ou encore Undercover sur VRT. Ouais. C'est quand même des séries de qualité qui ont des bons retours critiques. Mais il y a encore d'autres séries qu'ils ont produites. Ouais, il y en a encore. Là, je parle des plus grosses, mais... Par exemple, on en parlait tout à l'heure, enfin, c'était normalement ma série que je devais choisir, Van Vlees & Blood, mm-hmm. Qui retrace une famille de charcutiers. Mais cette série a été primée un peu partout. Là, c'est introuvable. Mais ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que je n'en parlerai pas. Et alors, dans un autre registre, la Belgique, elle a tout de même proposé des programmes de TV méga cool comme Panico Village ou encore Striptease. Striptease. Évidemment. Striptease, c'est la Belgique, quoi. C'est magnifique. Mais le truc, c'est que je regarde plus ça comme un documentaire historique que, ouais, que pour une émission de télé-réalité. Tu ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, justement, en parlant de Striptease, on n'a pas parlé de ce film-là, mais C'est arrivé près de chez vous. Qui a un Striptease long métrage au final, une parodie de Striptease. Et Ni juge ni soumise aussi. Qui est la suite. J'ai été le voir avec les réalisateurs. C'était donc voilà, c'est vrai qu'on a oublié quelques belles petites pépites dans les films. Mais donc revenons-en aux séries. Quand tu es en Belgique, en tout cas, tu as juste à te connecter avec ton adresse mail, à t'enregistrer sur le groupe Ovio, et tu as accès à un Netflix. Un panel assez impressionnant. C'est Netflix. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Netflix belge, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, par exemple, on parle de Striptease. Mm-hmm. Striptease, ils sont là, au complet. La Trêve, complet. Vous pouvez tout retrouver. Les Héros du Gazon aussi. C'est vrai, les Héros du Gazon, ils sont là. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Ovio, on vous le conseille. Il y a le même du côté de la VRT, hein, tout simplement. Bah comment ça s'appelle C'est VRTNU. VRTNU. Allez, VRTNU, si vous voulez. Mais même toutes les chaînes flamandes. Donc pour ma série, je me suis mis sur la Vire. Et idem que Ovio, tu as juste à créer ton identifiant, etc. Et puis tu te connectes et tu as accès à gratos. Tout contenu. Gratos. Donc, tu as choisi quoi comme série, Daniel ? Eh bien, aujourd'hui, je vais parler de Cool Boys. Jamais entendu parler. Mais c'est ça qui est triste. Mon gros bémol, c'est que la région flamande et la région wallonne ne s'amusent pas à sous-titrer les séries dans la langue de l'autre. Peut-être plus de leur côté. Je suis sûr que La Trêve est sous-titrée là-bas, tu vois. La Trêve, elle n'est pas sous-titrée sur Ovio. Oui, mais non, mais pour sur VRT Nu, si elle est disponible... Elle n'est pas disponible. Mais ça va, on ne parle pas comme ça. Mais non, c'est ça qui m'attriste. Non, en plus, La Trêve, elle est sur Netflix, donc ça veut dire qu'ils l'ont sûrement là-bas. Enfin bref, c'est un truc... Oui, mais je veux dire... Sur leur chaîne, et même sur Ovio ou VRT, tu n'as pas La Trêve. Il n'y a pas encore le partage. Et c'est ça qui est ouf, en fait. C'est que tu es obligé d'avoir une... alors c'est le pire, c'est vrai qu'elle est sur Netflix. C'est ça qui est le pire, c'est que tu es obligé de passer par une... Il faut faire appel à une autre plateforme pour que tu aies des sous-titres dans ta langue. Il y a vraiment un problème, c'est sûr. Et c'est ça qui est ouf, parce que par exemple, moi, la série que j'ai regardée, donc Cool Boys, eh bien, je l'ai regardée avec des sous-titres néerlandais. En gros, ça raconte quoi ? On va suivre la HR Consulting, qui est officiellement une société de consulting pour personnel, etc. Officieusement, c'est une boîte de prostituées garçons qui vont justement vers des femmes. Des gigolos. Des gigolos. Ah bah écoute. Des gigolos. Pourquoi pas ? Eh bien, c'est génial. Vraiment, il y a du rire avec des scènes épiques. Par exemple, un détournement de Twilight qui est magique. En fait, c'est intelligent. Dans l'écriture, c'est intelligent, tu vois. Par exemple, parce que ça peut être très vite. Il casse facilement le quatrième mur. Ok, ça j'aime bien ça. C'est décalé et je trouve que, enfin, toi, tu n'as pas aimé Matteo Simoni dans Patzer. Pas plus que ça. Mais il est pas mauvais, hein, mais voilà. Moi, je trouve qu'il fait quand même le taf et là, il fait bien le taf aussi dans le rôle du beau gosse qui joue, qui fait la salle tout le temps, etc. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est surtout quand tu l'as vu dans Patzer et que tu le vois là. C'est complètement différent. Ah ouais, okay. C'est vraiment deux personnes différentes, que je regarde. Tu vois. C'est vraiment excellent. Et alors, les autres, n'en parlons même pas. On retrouve aussi Kirk Verheij, Bart Hollenders, etc. Enfin bref, c'est que des noms qui sont connus là-bas et pas chez nous. Mais c'est ça qui est encore triste en Wallonie. Oui, évidemment. Et alors, les autres qui sont aussi à mourir. Enfin, ils ont des têtes de paumés, quoi. C'est vraiment une bande de gens qui ont des têtes de paumés. Et qui essaient de faire vivre justement leur boîte de gigolo, quoi. C'est touchant, c'est très drôle. Et aussi, ça apporte quand même des réflexions sur les métiers du sexe. Et ça a fait carton plein là-bas en Flandre. Il y a deux saisons, 14 épisodes. Et du coup, c'est plus ou moins 50 minutes par épisode. Ça se regarde sur la VRT. Bah, merci Dalil. Moi, ça me tente bien. Mais alors, quand même, un dernier truc. Ouais, quand même des anecdotes. Je peux pas vous laisser Enfin, je ne peux pas vous, non plus vous laisser comme ça. Matteo Simoni, donc le rôle principal, quand le public flamand a appris pour son rôle, savait qu'il allait avoir des nudes qui allaient... Oui, évidemment. Voilà, un peu... Enfin, il allait être à walpé de, voilà, de, devant la caméra, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé d'envoyer sur la toile toutes ces nudes possibles et imaginables. De c'est la pas scène. Illégal, ça ? Non. Non. Et donc, voilà. Si vous voulez voir le kékette, eh bien, où est-ce Pépette ? Mais il a envoyé tous ces dick pics, là. Et du coup, il a... Mais non, ben non, pour mais la oui, série, mais hein, doute, hein. Il va mieux montrer « T'as vu mon chiffre ?» Enfin, bref. Et alors, autre anecdote aussi, Bartolender est passé sur les ondes de Studio Bruxelles pour son anniversaire, si je ne m'abuse, et il a décidé d'offrir à un heureux spectateur, à Agode Miché, bah oui, qui fait la taille de son membre, de son membre dans le rôle. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on appelle une communication transversale. C'est exactement ça. Ça, c'est bien joué, ça. Et transversale, ouais, et horizontale, et dans tous les sens, hein. Rire gras. Ben, moi, ça m'intéresse. Je vais peut-être aller regarder. Mais franchement... vu que j'ai adoré Magic Mike. Ah, wow. Ouais, non, on n'est pas dans le sulfurisme de Magic Mike. Hein. Donc, les filles, calmez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas, en effet. Call Boys, ça Call se Boy. Trouve sur la ville. La ville. Donc vous allez juste sur le site, on mettra bien sûr les liens. Évidemment. Et vous vous enregistrez, et puis voilà. Eh ben moi, dans cette panoplie de nombreuses nouvelles séries belges, j'ai dû faire un choix, évidemment. Ah ouais, et quel choix ? Et malheureusement, je pense que j'ai pas fait le bon choix. Bah... Bon, voilà, je me suis dit, bon, je vais regarder Into the Night. Pourquoi ? Parce que, pour moi, sur le papier, c'était une des meilleures séries qui pouvait être proposée. Et en plus, c'est la première, et pour l'instant seule, série belge produite par Netflix. Donc je me suis dit, ouais, bah, on va tenter l'expérience, tu vois. Voyons voir un peu ce que Netflix nous propose. Un peu de contexte, c'est une série de science-fiction post-apocalyptique. Déjà voilà, là, tu te dis, ça en Belgique, je me demande bien ce que ça va donner. Créé par Jason George, inconnu au bataillon. Il aurait travaillé sur Narcos, par exemple. Donc un mec de Netflix, quoi. Il fallait jeter un coup d'œil. C'est inspiré par le roman numérique polonais The Old Avoloti, je ne vous le fais pas en polonais malheureusement, de Jacek Dukaj. Ah, j'ai regardé le premier épisode et puis je me suis dit bah, je vais quand même continuer pour savoir de quoi je parle, donc j'ai regardé toute la saison 1, non pas sans peine, clairement. Toi tu as essayé l'épisode 1, tu as arrêté. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, je t'ai dit t'inquiète, je m'en occupe. Non mais c'était, franchement c'était, enfin bref. Je donnerai mon avis juste après. Tout à fait. Bah, donc après la vision de cette saison 1, le constat reste le même. L'idée est sympa, le résultat ne l'est pas du tout. Et donc j'ai quand même du mal à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Tu vois, y a les acteurs qui sont très mauvais. Moi je trouve. Enfin pas tous. Oui, pas tous. Pas tous. C'est clair. Mais c'est clair que les rôles que tu vois le plus souvent, t'as juste envie de. Il y a des problèmes. Le scénario, bah, il s'essouffle très vite, évidemment. Les dialogues sont à vomir. Enfin. Ouais, voilà. Non, les répliques, elles sont. Les répliques, elles sont éclatées au sol. Éclatées. Éclatax. Et donc, parlons quand même un peu de l'histoire, hein, au cas où vous voudriez tout de même tenter l'expérience, on ne sait jamais. On se retrouve dans un avion censé faire Bruxelles-Moscou, sauf que l'avion se fait plane jacky, direction l'ouest. Ah bon ? Je me suis fait carjacky ! Je me suis fait plane jacky. Direction l'ouest, toujours l'ouest. Pourquoi l'ouest ? Ben parce que selon le plane jacker, le soleil tue. Et donc, on va suivre cet avion qui va aller toujours à l'ouest pour éviter le soleil, pour pas crever. L'idée est sympa, mais bon, tu vas pas regarder une série où l'avion il fait le tour du monde jusqu'à tour du monde en 80 jours. Un peu comme Walking Dead, tu vois, ça me avec fait un peu. Dick Henneck. Ouais, c'est ça. Avec François Damiens. Ça me donne un peu des vibes de Walking Dead, qui était très, le concept était très bien au début, mais après, bah, évidemment, ça s'essouffle. Le problème qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est l'excès d'ambition de la série. Oui, tu vois, je comprends. Il y avait trop. Au lieu de vraiment se focaliser, par exemple, tu vois, faire une saison en mode huis clos sauvage où tu es toujours dans le stress de savoir si le soleil tue vraiment. Enfin, tu vois, tu fais 2-3 épisodes là-dessus où t'es vraiment dans le boulot et tu t'es asphyxié en fait. Ouais. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur, si les gens meurent vraiment, si et puis voir comment les gens vont réagir à l'intérieur du sas quoi. Ouais. C'est vite. En fait, le problème c'est que tout est vite expédié. Voilà, c'est ça. T'as des problématiques qui arrivent et en un épisode, c'est déjà réglé, tu vois. Des nouveaux questionnements qui arrivent, le passé d'un des passagers qui ressurgit et à la fin de l'épisode, c'est bon, c'est déjà réglé, tu vois. Alors qu'il pourrait faire traîner un peu plus ça, quoi. Mais c'est ça. Et alors, il y a l'autre souci, c'est le rajout de personnages secondaires. Bah, en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un personnage principal, on va dire, qui est joué par Pauline Étienne, qui est très très mauvaise, alors que pourtant, quand je regarde un peu sa carrière, je pense que cette meuf-là doit avoir du talent parce qu'elle fait quand même des trucs très intéressants. Mais là, elle n'y est pas du tout, clairement. Oui. Et après, tous les autres personnages sont des personnages secondaires, mais qui ont tous leur importance égale et qui prennent beaucoup de place au final. Mm-hmm. Et donc, on n'arrive pas à se focus sur un personnage en particulier. Et donc, mais on est vite submergé par les informations qui arrivent, quoi. Non, mais franchement, c'est vraiment dingue. Il y a trop. Alors ouais. que si il se refocusait sur 5-6 personnages et tu fais. Ouais, c'est vrai. Tu faisais de manière plus longue. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Moi, je me dis, punaise, il sort en bouquin, je le lis. Eh ben, t'as qu'à lire. Maintenant, tu me dis, je savais pas que c'était ça, qu'un bouquin, en fait. The Old Axoloid. Mais donc voilà, même si vous pouvez quand même tester, hein, on ne vous dit pas de ne pas tester, mais essayez l'épisode 1 et puis il y a des gens qui ont kiffé. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui ont kiffé. Justement, preuve, pourtant la série a reçu un feu vert pour une deuxième saison. Alors que Marianne, elle a reçu une deuxième saison. Ouais, par exemple. Hein. Alors qu'elle est bonne. Et donc c'est là que ça me fait dire que chez Netflix, c'est bien la quantité au-delà de la qualité, tu vois. Eux, tant qu'ils produisent des séries partout dans le monde, je pense qu'ils sont contents, tu vois. Ouais. Il fallait qu'ils aient leur série belge, ils l'ont eu. Ça a correctement fonctionné, même s'il y a quand même des grosses critiques. On continue, tu vois, on va pas se prendre la tête. Et en France, Marianne, il y avait d'autres séries françaises. Et puis après, c'est quand même bien Netflix watché. Ah oui, ça, évidemment. Bah, ils ont rassemblé tout Netflix en une série, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Donc, c'est un peu dommage. Donc, peut-être plus se tourner vers la VRT, la RTBF. Mais même sur des séries de qualité aussi, puisque tu parlais des séries de la RTBF, enfin, la RTBF qui voulait faire des trucs de murder. J'ai entendu dire que The 12... était vraiment bon. Ça, j'ai pas entendu. C'est sur Netflix. Enfin, vous pouvez, c'est pas Netflix qui produit, mais je veux dire, vous pouvez mettre sur Netflix. Mais donc voilà, il y a quand même des trucs qui arrivent petit à petit. Bon, ouais, beaucoup de séries policières pour l'instant, clairement. C'est ça qui fonctionne. Je veux dire. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller checker un peu ce qu'on fait du côté de la RTBF. Donc La Trêve, Unité 42, ou bien. Les héros du gazon. Chez nos voisins, oui. Chez nos voisins, Undercover. Il y a quand même de quoi faire, mes amis. Et donc, on va passer à la musique, Dalil. Et quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Niveau musique. En Belgique, je trouve qu'on est gâté. Là, franchement, j'ai vraiment eu du mal à faire mon choix. Ouais, on est vraiment, vraiment gâté. De Jacques Brel à Damso, il y a quand même du choix à faire. C'est vrai, même dans le rock belge, j'ai vraiment. Ouais, le rock belge, c'est très, très, très développé. Je dis ça parce que je suis. Oui, mais oui, c'est ton dada. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Il y a les légendes Adamo, Barzotti. C'est vrai. Jacques Brel, on l'a dit. La scène rap est très, très, très développée en Belgique. Surtout là maintenant. Ouais, surtout maintenant, ouais, c'est ça. Isha, Romeo Elvis, Hamza, Iko, mais aussi Zwangir Gaï. Il faut pas oublier de l'autre côté de la frontière linguistique, il y a aussi du très très lourd là-bas. Et donc, comme tu l'as dit, hein, aussi au niveau pop-rock, on a quand même Machiavel, Girls in Hawaii, Puggy, Kinzo. Enfin, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup, dont deux qu'on a choisi tous les deux. Exactement. On est un peu dans le même registre. T'as quand même pas oublié de parler d'Arnaud. Il y a Arnaud dans les légendes, c'est vrai. Moi, je suis désolé. Arnaud dans les légendes. Moi, c'est mon chouchou. Ouais, c'est vrai. El Bazar. Moi, un de mes chouchous aussi, c'est Admiral Freebie, un peu moins connu, mais c'est un peu le Bruce Springsteen belge, comme ça. Allez, ouais. Et puis, il y a la nouvelle scène qui arrive, hein, évidemment. Mais il y a eu Stromae. C'est vrai qu'il y avait pas forcément dans la nouvelle scène, mais c'est quand même. Il a quand même pris toute la scène belge pendant de nombreuses années. Il a fait comme PNL. Enfin, il fait des PNL, quoi. Il fait des PNL, ouais. Il se ramène et puis après, il se casse. Il nique le game et puis il se casse, quoi. Et alors, dans la nouvelle scène, des petits projets que j'aime bien. On prend un peu mon cul à deux. Des petits projets que j'aime bien, comme Lucène de Yakuza, oui. Black Wave. Oh, c'est génial. C'est terrible, ce truc. Et Angèle, évidemment. Angèle. Ouais, ça, j'aime moins. Ouais, oui, je sais bien. C'est pour ça que je le dis. Black Wave, si vous voulez aller checker un petit truc qui change un peu. Ouais, je pense vous conseille. Que là, on vous tatane de plein de choses. Ouais, donc, du coup, on va vraiment recentrer le discours bah sur ouais. deux artistes. C'est ça. Mais c'est pour vous dire que c'était vraiment difficile. Et même moi, je m'étais dit, on va parler de Arnaud parce que tu le kiffes. Mais non. Mais d'abord toi. D'abord moi. D'abord toi. Mais donc, je ne vais pas parler de la street cette fois-ci, hein. Pas comme en France, même si, comme on vous l'a dit, il y avait de quoi faire. Mais là, j'ai envie de vous faire découvrir, si ce n'est pas encore le cas peut-être, un groupe qui s'appelle Balthazar. Donc Balthazar, c'est un groupe de rock alternatif de la région de Courtrai. Bon, on peut dire maintenant qu'ils sont quand même assez bien établis dans le paysage musical belge, hein, avec 4 albums studio entre 2010 et 2020. Et bien que le groupe ait changé d'identité et de membres avec le temps, ça en jette toujours autant. C'est vraiment un groupe dont tu entends l'évolution ouais. au fil des albums, tu vois. Ça commence en 2010 avec Applause, un album assez rock, assez cru finalement, pas celui que je préfère, mais voilà, on sentait que c'était les débuts, ils cherchaient un peu quoi. En 2012 sort mon album préféré, Rats, avec d'ailleurs la bande son de la saison 1 et de la saison 2 de La Trêve, donc les collaborations belges, hein, ça on aime bien. Et c'est vraiment avec cet album-là que le succès se concrétise, hein. Ils partent en tournée pendant 2 ans et Rats est certifié disque d'or. Ensuite sort en 2015 Teen Walls, leur album le plus complet on va dire, le plus clean de tous, mais on sent aussi qu'ils arrivent au bout de quelque chose et qu'il faudrait peut-être un nouvel élan, tu vois, dans le groupe. Et donc c'est ce qui se fait avec Fever en 2019, avec des titres beaucoup plus dansants, notes électro, dis-moi. C'est avant ou après leur groupe Warhouse? C'est entre ces deux-là. Entre ces deux. Enfin, leur groupe, le groupe solo. Oui, le groupe solo. Ouais, ouais. Donc, il faut savoir que les deux membres qui sont restés depuis le début ont chacun leur projet solo. Et donc, comme disait Dalil, entre Teen Wolves et leur dernier album Fever, ils sont tous les deux partis en solo en mode bah, vas-y, frère, on va chercher un peu de nouvelles sonorités chacun de son côté. Et puis, on se retrouve. Ils ont un peu changé le groupe et ils sont revenus avec un truc complètement différent. Et c'est ça qui est bien parce que souvent, tu vois, quand t'as des groupes comme ça, moi, j'ai vite tendance à leur reprocher soit de toujours faire la même chose, tu vois, genre The Weeknd. Je pense à The Weeknd, souvent, pour moi, c'est toujours la même chose, The Weeknd, tu vois. Radiohead, c'est le meilleur groupe de tous les temps. Parce qu'ils font des trucs... Change My Mind. Oui, bah écoute, on verra. Non, je suis désolé. C'est la personne qui dit que Radiohead, c'est pas le meilleur groupe de tous les temps, il va devoir avoir des arguments en béton. Pour je pense qu'il y a des gens qui seront prêts à te débattre là-dessus, mon ami. On verra. Mettez en commentaire ce que vous pensez de Radiohead. Et alors, aussi les artistes qui changent du tout au tout et tu dis, mais c'est pas du tout pour ça que je vous aimais bien, donc casse-toi, je t'écoute plus, quoi. Et ça, j'avais un peu peur avec Balthazar parce qu'on est vraiment passé d'un truc très mélancolique, tu vois, très rock, ouais, avec alternatif, des tempo de jazz, etc. Beaucoup, une basse très très présente, ouais. Et un truc beaucoup plus dansant, disco, un peu électro comme ça. Je me suis dit, ouh, qu'est-ce qu'ils font? Mais putain, qu'est-ce que je kiffe cet album, quoi. Ah, franchement. Et alors, je pense que ce qui joue aussi, c'est que c'est un plus pop, évidemment, et donc c'est plus facile à partager en soirée ou dans la voiture, etc. Par exemple, ma copine, quand on est en voiture, elle n'aime pas trop ce que j'écoute, tu vois. Ça. Et donc, genre, quand je mettais Balthazar, les anciens albums, elle disait, c'est pour se tirer une balle, tu vois, ce genre de truc. Et maintenant que je mets cet album-là, là, elle kiffe. C'est vraiment l'album que tu peux mettre en soirée et tout. Mais moi, je t'avouais quelque chose. Dis-moi. C'est que je suis pas... T'aimes pas trop. En fait, j'ai pas accroché. Je suis pas dans le mood. En fait... Je sais que c'est bien. Non, mais c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment ça. En fait, je sais que c'est bien, mais, C'est quand pas pour toi. Quand je vais vous parler de mon artiste, ouais. J'étais dans ce mood-là, en fait. Et du coup, c'est vraiment... Tu les as mis en rivalité, un peu. Ben non, mais j'écoutais ça, et puis après, je passais à Balthazar, et j'étais là... Ouais, il me faut du punch, quoi. Oui, ben oui, il me faut du punch, une fois. Oui, oui, je comprends. Et donc, on termine en 2020 avec leur nouveau single Halfway. Ah ouais, c'est vrai. Dans la lignée du dernier album. Ouais, hein, vraiment. Il valide à 100%, ça groove. Cool. Ouais, ça groove, c'est ça. C'est et parfois, ça. Il suffit juste de ça. Il faut que ça groove et là, ça groove, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter Balthazar. On le rajoutera évidemment dans la playlist du podcast. Hein, bien sûr. Qui est bien sûr mise à jour, Dalil. Tout le temps. Je suis désolé. Et donc, on passe à un autre... Enfin, on reste dans le même style musical, mais... Ouais, non, t'es ouf. Eh, retire ce que tu viens de dire. Bah si. Tu te calmes. Bah si. Bah non. moi, je vais vous parler d'un groupe de rock anversois, enfin plutôt liérois, qui est la ville, une ville proche d'Anvers. Je vais vous parler de Trigger Finger. Et franchement... Putain, j'ai toujours dit Trigger Finger. Trigger, mais j'arrive pas à le prononcer en fait. Ah, mais c'est Trigger Finger, Trigger non Finger, ouais. Okay. J'arrive juste pas à le prononcer. Je suis nul. Même parfois, quand je l'écris, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ils sont vraiment géniaux. C'est du rock à l'ancienne, tu vois. Quand tu écoutes ça, t'as ta moustache qui commence à pousser, t'as la moto qui arrive et t'as juste envie de ride along on the road 66. Oui. Pourtant, c'est pas pour ça qu'ils sont connus, au final. Mais quand tu regardes leur plus gros succès, c'est pas pour leur gros son rock. C'est pas pour le... Mais non, mais gros, c'est ça, et c'est ça qui est vraiment ouf. Désespère un peu. Non, ça me dérange. Non, je m'en fous, franchement. Ouais. Ce qui est vraiment génial, et c'est pour ça qu'ils ont été connus, c'est que sur scène... Oui, mais oui, c'est oui, le fuego, oui, mais ça a l'air. En tout cas, leur gros succès, c'est des trucs live. C'est que des trucs live. Ouais. Et ils mettent l'ambiance sur scène, mais c'est la classe, gros. Ils sont en costume bien taillé et ils sont là avec leur guitare, leur basse. Et alors, ils sont là, ils ont une classe innée. Par exemple, pour le Pink Pop Pink Festival, Pop. Eh bien, ils étaient costume rose, ah bah oui, cravate rose, dégradé, bien sûr. Parce qu'ils ont la classe. Bah oui, oui, oui, oui. Et ils sont là, ils étaient en sueur pendant tout le concert, tellement ils bougent dans tous les sens. C'est de la patate que tu te prends dans tes oreilles quand t'écoutes. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'album que je t'ai fait montrer. Et alors, leur album, premier album, Trigger Finger, ça pulse, tout simplement. Ouais. Bah oui, je comprends. T'es juste bon. Le groupe, donc, c'est formé par un trio, Mario Goossens, Paul Van Breusteghem et Ruben Block. Ils ont commencé tout simplement avec leur album éponyme, Trigger Finger, en 2004. Mm-hmm. Pas beaucoup connu. Ils ont fait leur gig, etc. En 2008, ils sortent leur deuxième album, What Grabs You, qui est l'album qui va les faire connaître. C'est vraiment eux, et grâce à leur tournée dans les festivals. Ouais. Donc, ce troisième album. C'est pas l'album le plus complet, parce que je trouve que l'album le plus complet, c'est celui que je t'ai fait écouter, qui est leur quatrième album, By Absence of the Sun. Ouais. Non, leur troisième album, c'est All This Dancing Around, qui est sorti en 2012. Et c'est ouf, ils ont été aux Amériques. Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Non, mais attends, mec, je vais te sortir le nom. Tu vas me dire, c'est qui ce mec? Mais c'est un lourd. Donc pourquoi tu me le sors si tu sais que je veux dire? Ils ont fait la première partie. Ils ont été le chercher. Ils ont été le chercher. Greg Gordon. Mais non. Je te jure, gros. Producteur Oasis, Slayer et Soulwax. Trigger Finger. Ils ont fait la première partie avec leur quatrième album, By Absence of the Sun. Ils ont fait la première partie des Rolling Stones. Ah bah c'est bien. Donc, et donc là, oui, bien sûr, le troisième album, What Grabs You, leur a permis justement une tournée à l'international qui était ouf. Et justement, comme ils assurent sur scène, c'est l'album de maturité. Mais je remarque avec tous tes choix de sélection musicale depuis le début de cette aventure que nous partageons, Dalil, que tu accordes une importance particulière aux prestations live. Ah, mais c'est super important parce que c'est ça qui va démarquer... le fait que je vais te payer pour aller te voir ou alors que je te télécharge de manière complètement légale sur mon GSM, tu vois. Et un concert, c'est des émotions, tu vois. T'as plein de... Oui, tu vis des choses. C'est important, mais pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la sensation que l'artiste fait te faire sentir. Parce que le concert, ce sera juste un moment. Ah, mais c'est ça qui est ouf. Oui, mais c'est la beauté du truc. C'est ça hein. qui est beau, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien les prestations mais, live. Mais tu vois, genre... Bob Dylan, pour moi, c'est l'artiste le plus important pour moi dans ma vie. Pourtant, j'ai été le voir en concert. C'est le pire concert de toute mon histoire, tu vois. Il pue la merde. Et pourtant, ça, enfin, si, ça a un peu changé ma vision vis-à-vis du gars, mais ça reste quand même un artiste de ouf, tu vois. Oui, voilà, c'était un peu parler de Trigger Finger. Ouais. Là, pour le moment, ils n'ont plus sorti d'album. Ils ont sorti un album en 2019, mais c'est un mix de live et de rework de chansons qu'ils avaient fait en studio. Mais comme je le dis, parce que en fait là c'est vraiment important, c'est que le groupe n'existerait pas s'ils n'avaient pas leur prestation live, tu vois. C'est vraiment ça qui les a mis à la postérité. Leurs albums sont vraiment solides, hein. C'est vraiment du rock à l'ancienne. si vous aimez les styles un peu garage rock, bien que là maintenant avec le dernier album de 2017, ils sont un peu plus dans l'électro, etc. Je suis pas trop trop fan. Voilà, Balthazar ou Triggerfinger, pop rock et un peu plus rock. Le choix est vite fait. Hein. Le choix est vite fait. Le choix est vite fait, c'est dans les yeux de ma mère. C'est con. Et ben voilà, ça va conclure ce podcast spécial Belgique. Bon, on a fait un peu, on a essayé vraiment d'aller un peu partout. Hein. On a été chez nos amis les Flamands, beaucoup même. Beaucoup, hein, au final. beaucoup au final. Mais c'est mais quand même bien. À partir du moment où nos deux, nos deux choix musicaux étaient flamands, mais ils chantent en anglais, donc voilà. Ouais. On a été à Bruxelles, on a été en Wallonie, on a été partout. On a fait un peu toute la Belgique. Quoi. On a fait la Belgique. Voilà. N'hésitez pas évidemment à vous nous donner vos petites pépites belges, hein, des découvertes. Voilà, pour préparer ce podcast, j'ai écouté un peu des playlists 100% Belgique. Je suis tombé sur des petits trucs sympathiques. Ouais, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos kiffs aussi bien en matière de cinéma, de séries, de musique. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Comme on vous l'a dit, on est sur TikTok maintenant. Ça y est, quoi. On est hype, quoi. On est hype. Donc voilà, on cherche toujours à faire aussi bien que le TikTok d'Emmanuel Macron. Ouais, ou bien de Elodie Rupo. Non, mais Elodie Rupo, tu pourras pas faire mieux. Non, c'est un boss. C'est le boss, là. On partage des petites sélections de films bien sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker ça. Il nous reste plus qu'une chose à dire, je pense, dans les lents. Ouais, je pense que il faudrait dire que pop culture, c'est comme une bière pleine de mousse. Plus tu en as, moins tu en bois. À dans deux semaines.